Martinique. Des macarons, cheveux longs, à qui pilon. Mais sous ma dite, c'était mes abonnés. T'as qu'à péter, anti-chapi, ou les mandarines. Même si c'est un négresse, qu'à faire pour moi, il a fait. Des macarons, cheveux longs, à qui pilon. Mais sous ma dite, c'était mes abonnés. T'as qu'à péter, anti-chapi, ou les mandarines. Même si c'est un négresse, qu'à faire pour moi, il a fait. Et les femmes blancs au restaurant, mandé qui ça y est. Les vivre, proposer, refuser, refuser, proposer. Tout le monde a coulé, ou qu'a levé enragé. Au restaurant de la place, c'est comme ça que ça se passe. Beaucoup pas fait pour as, qu'on s'y ou c'est un rapace. Au restaurant de la place, c'est comme ça que ça se passe. Beaucoup pas fait pour as, qu'on s'y ou c'est un rapace. Les macarons, cheveux longs, à qui pilon. Les soumanites, c'était mes abonnés, t'as qu'à péter. Anti-chapi, ou les mandarines. Même si c'est un des graisses, qu'a fait pour moi. Les macarons, cheveux longs, à qui pilon. Les humanités, c'est meilleur bon, t'as qu'à péter. Anti-chapi, ou les mandarines. Si c'est un négresse, qu'a fait qu'on a mis la tresse. Chaque fouma, on démarre la bête pour faire la fête. Rendez-vous au ciné, devant les restos, à Madjana. Ok, bagaille la tranquille, nous on sala. Sigmata, ratatatata, nous pas en laisse ça. On sait, portable qu'à sonner, à dans sala. Non, comme n'en qu'à crier, en mon moyen, et puis en soldat. Mon pas qu'à faire quoi, c'est le bagaille, mon dit femme non, allez ici ya. Chawaii est déposé, non coupé, à moment à la ou qu'a passé pour en tête. Chawaii est déposé, non coupé, c'est comme ça yo qu'a crié tout, t'y m'a coupé. Chawaii est déposé.